J'en ai marre du stress du taf, tu mets trop boulot dodo. Au soleil je veux une place pour me sentir mieux dans ma peau. Le quotidien m'usine me lasse, car ici ne fait jamais beau. J'prends ma valise et me casse direction à pays chaud. Je vais pouvoir m'évader, m'envoler, faire une trace de côté. Yeah, la danse à niente, la niente, du soleil toute l'année. T'arrêter, de cesser, fini d'aller travailler. Yeah, enfin me reposer, profiter, et tout envoyer balader. Oh.